mwana ndimaki kokaba bomoi na ye yesu kristu mokangoli yesu kristu mosiko yesu kristu oyenge pene oya kotaka kati na bomoi na moto mpona kopesa bomoi mpona komema mbongo ana mpona kofungola nzela na sika po ete moto akoma bisika esengeli ya koma yesu nzela mpe yesu solo mokangoli ezali oyo Oh,